La communauté internationale exalte vivement le général Kim Jong-il. Ogami Genichi, secrétaire général de l'Institut international des idées du Tché, a apprécié les exploits immortels du général qui a développé les idées du Tché et les a fait briller comme l'idéologie directrice de l'époque d'indépendance. Nikolaïev, secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, a dit comme ce qui suit. À l'époque la plus difficile où les impérialistes livraient plus que jamais les manœuvres d'isolement et de suppression, le général Kim Jong-il a prouvé la certitude de la victoire du socialisme par la pratique révolutionnaire et a inspiré la nouvelle confiance au peuple progressiste du monde qui aspire au socialisme. Bishwanath, ancien secrétaire général du Conseil international du prix Kim Il-sung et du Conseil international du prix Kim Jong-il et ancien administrateur général de l'Institut international des idées du Tché, a dit que le général Kim Jong-il, soleil de tous les peuples, était un grand homme sans égal qui est né pour l'humanité. Giancarlo Elia Valori, administrateur général du groupe d'investissement général de l'Italie, a souligné que Son Excellence Monsieur Kim Jong-il, qui a vénéré le peuple comme le ciel et le maître, est vraiment le soleil. Par ailleurs, à l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, les journaux de divers pays comme le journal Iranus ont présenté sa vie révolutionnaire sacrée et ses exploits avec son portrait en sourire et ses photos.